parle-moi de ma mère. Parle-moi de ma mère. Oui, ce soir même, demain ma vie. verra, eh bien, tu lui diras. Quand son fils l'aime la plus mère, et qu'il se remonte aujourd'hui, il veut que là-bas, sa mère soit contente et de lui. Tout cela, ça n'est pas mignonne, que de ma part, tu le lui diras. Et ce baiser que je te donne, de ma Souvenir du pays, au souvenir du pays.